Chapitre 14. Bibert descendit à pied la rue Blanche. Il avait besoin de marcher, de respirer. Sa tête était lourde, ses yeux le brûlaient, il se sentait des douleurs dans les articulations. On serait fatigué à moins. S'asseoir sur une chaise à minuit, rester à la même place jusqu'à 11 heures du matin, et pendant tout ce temps, tourner toujours des cartes, dire sans cesse les mêmes paroles, faire les mêmes gestes, n'oser ni se lever ni marcher, de peur de changer la veine, avoir faim et ne pas manger pour ne pas perdre une minute, mourir de soif et ne pas boire dans la crainte de laisser dans son verre le sang-froid qui est si nécessaire au jeu, vivre enfin dans une atmosphère malsaine au milieu d'une fumée de tabac qui vous aveugle. Mais la passion du jeu rend insensible à toutes les privations, à toutes les souffrances physiques et morales. Un joueur, tant qu'il a des cartes, de l'argent et un adversaire, n'est jamais malheureux, rien ne l'atteint. Enfermer quatre véritables joueurs dans le même cachot en leur donnant les moyens de satisfaire leurs passions, et vous n'aurez à leur reprocher aucune tentative d'évasion. Bien plus, le jour de la délivrance, si quelque grosse partie est engagée entre eux, ils vous demanderont un supplément de prison. Au milieu de ces fatigues, Vibert ne souffrait pas du besoin de dormir. On n'a pas sommeil lorsqu'on a gagné au jeu. On compte son argent, on fait des calculs qui tiennent éveillé. On se livre à mille folies. Ce sont les joueurs malheureux qui s'endorment d'un lourd sommeil en rentrant chez eux. Ils oublient ainsi une perte toujours sensible, quelle qu'elle soit, et quelle que soit leur fortune. Puis, il leur faut recouvrer des forces pour courir le lendemain à la recherche de sommes considérables qu'ils ont souvent perdues sur parole et qu'ils n'ont pas chez eux. Cependant, Bibert ne devait pas être absolument rangé dans la catégorie des joueurs heureux. Ce n'était pas le bonheur d'avoir gagné et de compter de l'or dans sa poche qui le tenait éveillé. C'était la satisfaction d'avoir remporté une première victoire, d'avoir fait une belle entrée en campagne. Il ne se disait pas, avec tous ses billets de banque, « Quel caprice, je vais satisfaire !» Il s'écriait, « Mon débiteur Savary se trouve à ma merci, c'est ma chose, je l'emprisonne plus étroitement qu'on ne l'avait emprisonné à la conciergerie. Je le tiens en secret, il faudrait bien qu'il parle. » Je suis un plus terrible juge d'instruction que M. Gourbet, car j'ai le temps et l'espace devant moi, et une femme à mes côtés, une femme dont je dispose, une femme plus dévouée que moi-même à mes projets. » Puis il ajoutait, « Avec l'argent comptant que j'ai gagné et que je sens là dans ma poche, je puis vivre de la même vie que Savary, partager ses goûts, ses plaisirs, le suivant pas à pas, dîner au café anglais s'il le faut, moi, l'homme des restaurants à 22 sous, prendre une remise, moi qui hésitais à monter dans un omnibus. Enfin, je puis m'entourer de tout le luxe désirable et tromper chacun sous ma personnalité. Car aucune personne douée de raison ne supposera qu'un employé subalterne du gouvernement jette l'argent par la fenêtre. Cela ne se serait jamais vu. » Et, s'arrêtant tout à coup, Bibert s'écria encore. « Dire que j'arriverai au résultat désiré avec mes seules ressources, sans avoir recours à la bourse que le marquis de X a mise à ma disposition. » Et sans que le ministre de l'Intérieur ait à m'octroyer des fonds secrets. Fonds secrets, ajouta-t-il en souriant, expression des plus justes. Ces fonds-là sont si secrets que nous, les employés de la police secrète, nous ne les voyons jamais. Et il y a encore des gens qui nous soupçonnent de vivre sur le pied de 50 000 livres de rente. Comme on se trompe. Tout en causant ainsi avec lui-même, Vibert, après avoir descendu la rue Blanche, avait gagné les boulevards par la chaussée d'Antin. Sa tête lui semblait plus légère, ses jambes avaient plus de souplesse, le grand air avait rafraîchi ses yeux. Il se sentait dispos, alerte, prêt à recommencer. En même temps, comme un général prudent qui ne s'endort pas sur le succès, il venait d'échafauder un nouveau plan. Il ne s'agissait plus que de le mettre à exécution et il s'en occupa immédiatement. Il monta d'abord dans le premier fiacre qu'il rencontra et se fit conduire rue de l'Arbre Sec devant la modeste maison qu'il habitait. Parvenu à son 5e étage, il mit un peu d'ordre dans sa toilette, plaça la plus grande partie de son argent en lieu sûr, écrivit au marquis de X, suivant la promesse qu'il lui en avait faite dans sa dernière lettre, et redescendit rejoindre son fiacre qui le conduisit rue de la Paix. Julien Videl l'attendait. Il lui fit part de ce qui s'était passé chez Pélagie d'Hermont dans la seconde moitié de la nuit, et lui communiqua ensuite ses nouveaux projets qu'elle approuva. « Du moment où vous consentez à vous rencontrer le plus souvent possible avec Savary, dit-il en terminant, vous ne pouvez pas continuer à vivre dans cette maison. Si l'idée lui venait un jour de vous suivre jusqu'ici, il saurait qui vous êtes et tout serait perdu. évidemment. Vous êtes décidé alors à changer de domicile? Non, je garde cet appartement. Il me rappelle trop de souvenirs pour que je consente à le quitter. Mais j'en puis louer un autre, où je me rendrai quand il le faudra. M'autorisez-vous à choisir ce logement? Oui. Où désirez-vous habiter? Peu m'importe. Vous me ferez simplement parvenir ma nouvelle adresse. Vous la recevrez ce soir. En quittant Julia, Bibert, soigneux des moindres détails, se dirigea vers le marché du temple. Il y acheta deux malles d'occasion. Elles devaient avoir appartenu à quelque riche étranger et portaient encore le cachet des pays qu'elle avait traversés. Il les remplit d'une infinité de choses qui se trouvaient pour ainsi dire sous la main dans ce vaste marché. Nécessaires de toilettes armoriées, buvards avec chiffres, cannes à pommes d'or, chemises toutes faites, vêtements élégants. L'aspect de ces malles pleines à déborder devait inspirer une confiance sans limite aux gens de l'hôtel qu'il allait habiter. Il ne s'agissait plus que de trouver à se loger dans l'hôtel désigné d'avance à Savary et où celui-ci, d'après les calculs de Vibert, ne devait pas tarder à se rendre. L'hôtel des Princes, sur l'emplacement duquel est construit aujourd'hui le passage Mirès, jouissait en 1847 d'une certaine renommée. C'était le grand hôtel de l'époque. Le seul appartement qu'on put offrir à Vibert revenait à 15 francs par jour. Mais le comte de Rubigny ne regardait plus à la dépense. Depuis le matin, il était devenu si prodigue qu'il ne se reconnaissait plus lui-même. Aussi, son premier soin, lorsqu'on le laissa seul, fut-il de se regarder à une glace pour voir si c'était bien lui, Vibert, qui prenait des voitures à l'heure et qui demeurait au second sur la rue à l'hôtel des Princes. La glace lui renvoya sa fidèle image, seulement il se trouva embelli. Le luxe, paraît-il, lui allait bien. Lorsqu'il eut ouvert et vidé ses malles, étalé ses nécessaires sur les commodes, rempli les armoires de vêtements et de linge, lorsqu'il se fut livré enfin à toute la mise en scène qu'il avait imaginée, il sortit de son appartement avec fracas, prit le grand air pour passer devant les gens de la maison, donna des ordres au bureau, afin qu'on fît venir le lendemain à son lever le coiffeur, le bottier et le chapelier de l'hôtel, et gagna le boulevard pour se mettre en quête du logement destiné à Julia Vidal. Il eût cependant été préférable qu'elle demeurât comme lui à l'hôtel des Princes, et s'il était venu lui dire « J'ai trouvé un appartement pour vous à côté du mien », elle n'aurait probablement fait aucune observation. Julia n'avait qu'une préoccupation, se venger. Vibert, pour elle, n'était pas un homme, c'était un moyen. Et tous les moyens étaient bons à cette épouse outragée, à cette Italienne, dominée par la plus grande des passions, la haine. Mais si, pour elle, il n'était pas un homme, pour lui elle était peut-être une femme. Et l'agent de police avait, à l'égard de cette femme, de bizarres délicatesses. Il ne consentait à la compromettre qu'autant qu'il ne pouvait agir autrement. Il avait une préoccupation constante, arriver à son but sans que Julia Vidal eût à souffrir dans sa dignité de femme. Aussi se montra-t-il très difficile dans le choix de l'appartement qu'il avait mission de trouver. L'un était trop rapproché de l'hôtel des Princes, l'autre en était trop éloigné. Celui-ci était au quatrième étage, Madame Vidal ne pouvait monter si haut. Ici, les cheminées fumaient. Là, il y avait un fâcheux vis-à-vis. Ce dernier logement convenait sous tous les rapports, mais il était trop cher. Et comme Julia n'avait pas gagné d'argent au jeu, qu'elle ne recevait aucun subside de la police et qu'elle allait vivre à ses frais, Vibert, si prodigue pour son propre compte, se montrait économe pour elle. Enfin, après avoir longtemps cherché, il choisit un appartement situé rue de Gramont. Il déclara l'arrêter pour une de ses parentes, qui portait le même nom que lui, la comtesse de Rubigny. Cet appartement avait un grand avantage, il se trouvait être tout meublé, sans faire partie cependant d'une maison meublée. Le locataire qui l'habitait précédemment, obligé de quitter subitement Paris, essayait de tirer parti, pendant son absence, de son bail et de son mobilier. Sans être neuf, ce mobilier était encore frais et de bon goût. Il ne pouvait froisser aucune des légitimes susceptibilités d'une femme élégante. Mais ce qui parut séduire principalement Vibert, c'est que ce logement se trouvait avoir deux entrées sur deux escaliers différents. Ainsi, le salon, outre sa principale communication avec la salle à manger et l'entrée principale, s'ouvrait encore à l'aide d'une porte vitrée sur un petit corridor conduisant à un escalier de service. Vibert, toujours prévoyant, s'arrangea de façon à rester seul un instant dans l'appartement qu'on lui faisait visiter. Il profita de cette solitude pour mettre dans sa poche la clé du petit escalier de service et pour ménager dans la porte vitrée une ouverture qui pouvait permettre, de voir et d'entendre ce qui se passait dans le salon. « On ne sait pas ce qui peut arriver », pensait-il. « Toute précaution est bonne à prendre. Elle est quelquefois inutile, mais elle ne nuit jamais. » Depuis plus de 36 heures, l'agent de police n'avait pas goûté un instant de repos. Il rentra de bonne heure et se coucha aussitôt. Cependant, il ne dormit pas du profond sommeil qui semblait lui être dû. Habitué à être mal couché rue de l'Arbre sec, il se trouvait peut-être gêné sur son sommier élastique, ses trois matelas et son lit de plume à l'Hôtel des Princes. Peut-être aussi, quelques souvenirs le tenaient-ils éveillé,